place I'd rather be. Ah, comment ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour à vous, c'est Evan. C'est Aurélie. Et on démarre un nouveau 16-20 ce lundi 12 juin. Il est 16h. Bienvenue tout le monde. La première hit radio en Normandie. La patate, j'ai la patate. De vous retrouver sur Cristal après un bon week-end sous le soleil de Normandie. J'espère que vous avez fait le plein de vitamine D. On est là pour vous accompagner comme chaque soir en rentrant du travail ou en allant chercher les petits loups à l'école avec tous vos hits préférés en Normandie, notamment Justin Bieber dans moins de 5 minutes. Bonjour Evan. Bonjour Aurélie, je vais tout de suite avoir un coup de cœur télé, hein, si ça ne vous ennuie pas. C'est ce soir, j'ai hâte d'être devant le petit écran, dans ma salle à manger. Pourquoi donc ? Et bien parce qu'il y a une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle À l'état sauvage, qui va être diffusée à 21h sur M6. Il y a Michael Youn qui a proposé, qui est passé déjà. Il y a M. Pokora, il y a Laure Manoudou. Et là, ce soir, c'est un de mes animateurs préférés depuis tellement longtemps. C'est Christophe de Chavannes. Ah bon ? Animateur de The Wall qui est sur TF1. Et donc, qui ce soir va être emmené au Venezuela par Mike Horn. Ils vont devoir vivre, comme le nom l'indique, l'indique le nom de l'émission, à l'état sauvage. Et j'ai eu l'occasion de voir un petit extrait. Je vous conseille parce qu'en fait, de Chavannes, fidèle lui-même, râle beaucoup. Et Mike Horn va pas arrêter de le casser, de lui dire mais tu passes ta vie à râler, toi tu revois rien. Mais ça va lui faire du bien, il a pas ramené son petit chien. Non, là ils sont que tous les deux, donc voilà, si vous avez à retenir un petit coup de cœur télé, ça sera cette émission ce soir, 21h sur M6, qui s'appelle À l'état sauvage. Bah, merci pour ce petit conseil Evan. Dans un instant, Justin Bieber comme premier arrive avec Sorry, mais on démarre cette nouvelle heure ensemble avec Kygo et Selena Gomez, It Ain't Me. C'est sur Cristal, bel après-midi à vous. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I'll be home, and you'll be on your own. I'm

Et le talent de Yael Naïm, c'était New Soul sur Cristal. À suivre, Oshi, comment je vais faire? Je sais pas comment je vais faire. Ah, on adore avec Aurélie. Positive comme musique. Avant que Chi arrive, on va parler des cadeaux qu'il y a gagnés cette semaine dans le 16-20. Alors attention, on vous envoie avec les trois personnes de votre choix au parc Astérix pour une sortie familiale ou entre amis. En plus, c'est pile la période qu'il faut puisqu'il fait beau, donc rien mieux pour se détendre. Un petit tour de tonnerre de Zeus, oh c'est tellement bon. Et là, je vais parler à tous les festivaliers normands. On va vous offrir aussi vos places pour le Green Horse Festival, donc qui a lieu le 7, 8 et 9 juillet donc cette année. À Mokanchi, près de Rouen, on vous offre les places 3 jours avec la personne de votre choix. Et par exemple, à l'affiche, il y a Boulevard Désert, Feder, Imani, Julian Peretta, Matt Mata, Black M, Claudio Capéo, encore Vianney. Quand on vous dit qu'on va vous gâter, et c'est pas tout, écoutez. Cette semaine, Cristal vous offre les plus belles voix sur un plateau. Lucie, Lisandro, Nicolas, Vincent et bien d'autres. Les 8 finalistes de The Voice partent en tournée. The Voice Tour, sur la scène du Zénith à Rouen, le 30 juin et quand le 1er juillet. Écoutez Cristal cette semaine et gagnez vos places pour The Voice Tour à Caen et Rouen. Cristal, la radio officielle de The Voice Tour en Normandie. Annuaire de référence pour trouver un coiffeur. 118-712.fr. Entretien auto. Eurorépar Car Service, la confiance, ça s'entretient. Pour bien préparer l'été, vous avez des bons plans chez Eurorépar Car Service? Bien sûr. En ce moment, profitez d'une remise de 50% sur l'achat de votre deuxième pneumatique pour rouler en toute sécurité. Et pour prendre rendez-vous? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur eurorépar.fr. Eurorépar Car Service, plus de 1400 garages près de chez vous pour l'entretien de toutes les autos, toutes marques. Offre réservée aux particuliers du 1er juin au 31 août 2017 chez les réparateurs participants. Modalité sur eurorépar.fr. Toyota. Hashtag voiture qui claque. Hashtag nouvelle Yaris. Hashtag made in France. Hashtag stylé. Hashtag hybride. Hashtag oui, et pas besoin d'abrancher. Hashtag je l'essaierai bien. Hashtag va plutôt chez Toyota. Pendant les journées hybrides pour tous, la Toyota Yaris France hybride est à partir de 169 euros par mois, entretien inclus. Découvrez toute la gamme hybride pendant les portes ouvertes de ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers jusqu'au 30 juin en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2200 euros. Sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voir toyota.fr. Leclerc. Dis donc, mais c'est quoi toutes ces bières-là dans le frigo? De la Carlsberg, avec en ce moment chez Leclerc 50% de réduction immédiate sur les packs de 12 bouteilles. Et tu connais Philippe et son sens des bonnes affaires. Du 13 au 24 juin, le pack de 12 bières Carlsberg de 25 centilitres, avec 50% de réduction immédiate, est à 3,55€, soit 1,18€ le litre. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. À la fois 50% sur de la Carlsberg? Eh oui, quand même. Edelweiss! Framboise, voulez-vous devenir une saveur gourmande de la bière Edelweiss? Oui! Violette, promettez-vous d'apporter une touche délicate à Edelweiss? Oui! Je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, framboise et fleur de violette! Hey, hey. Edelweiss, né dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Fresh Days Zalando! Les plus belles affaires en avant-première. Jusqu'à moins 50, j'avoue, ça me tente. Fresh Days! Ce prix, je dis oui à toutes mes envies. Profitez des Fresh Days sur Zalando.fr. Bénéficiez de remises jusqu'à 50% sur la mode femme, homme et enfant. Adidas, Vans, Nike, Puma. Du 5 au 18 juin, les Fresh Days Zalando, ce n'est que sur Zalando. Détails de l'offre sur Zalando.fr. Fresh Days Zalando.

till it broke up and it rained down like. Dragons avec Believer, c'est une nouveauté cristal. Et maintenant, on prend la direction de Cherbourg avec ou sans parapluie, Evan ? Eh bien, ce sera sans parapluie, ce sera même avec une guitare. Ah et bon ? C'est pas la peine de vous moquer parce qu'avec une guitare, on peut être protégé de la pluie. Mettez la guitare au-dessus de la tête, hein, et hop, s'il y a une bonne pluie, bah vous êtes protégé. Et vous finissez avec des courbatures à la fin. C'est aussi possible. Alors, je vous fais écouter un petit morceau. Hein. Personne ne connaît, vous avez reconnu, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Vous connaissez pas ? Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, bien évidemment, avec Comme un Sioir. Nirvana, vous l'avez peut-être reconnu. Et il y a un rapport avec Nirvana et Cherbourg. Eh, vous entendez le rapport ? Guitare, Nirvana, Cherbourg. Tiens, un autre petit extrait de Nirvana qui était le groupe rock célèbre des années 90. Aurélie, fan de Nirvana ? Bien sûr. Ah ouais, elle adore le rock. Vous j'ai aussi. Un t-shirt Nirvana, c'est pour vous dire. Vous tous, je suis sûr que vous avez fait des pogos en écoutant Nirvana. Alors, il y a une petite histoire que j'ai trouvée aujourd'hui dans la presse qui m'a... Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Il faut savoir qu'il y a un garçon qui est un cherbourgeois de 42 ans et qui est allé voir Nirvana à Rennes, c'était en 1994. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après le concert, il y a Kurt Cobain, le chanteur, qui l'a repéré et qui a décidé de lui donner sa guitare. Mais c'est super sympa. Alors, il s'est approché de la fosse, ils avaient tous les deux la main sur la guitare, mais pour éviter qu'il y ait vraiment un mouvement de foule de jalousie, finalement, Kurt Cobain a dit, bah, on se retrouve derrière la scène. Et donc, le mec est allé derrière la scène, et là, Kurt Cobain Ben s'était barré et c'était un Roddy qui lui a donné la guitare de Kurt Cobain. Mais alors pourquoi lui quoi ? J'aimerais bien savoir. Et ben lui il sait pas, il pense que Kurt Cobain lui a donné parce qu'en fait il est super grand, il fait 1m96, qu'il connaît ses chansons par cœur, qu'il a fait le fou, etc. Il l'explique pas vraiment. Par contre ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de vendre cette guitare. Oh non, mais non, faut pas vendre ça. Alors, oui, ben, j'ai pensé la même chose, bien sûr qu'il faut pas vendre. Mais gros problème, ce garçon a un salaire gelé pendant 8 mois, a des factures à payer, se retrouve vraiment dans la mouise et il décide à contre-cœur de mettre en vente la guitare de Kurt Cobain qui va être achetée 27 000 $, ce qui lui permet cher, de... Ouais, alors on avait dit au départ 175 000 $ et finalement c'est descendu à 27 000, et comme il dit, bon je regrette un petit peu mais les souvenirs eux je ne les vendrai jamais, ils resteront gravés à jamais dans ma tête. Voilà, oh, je vais vous c'est parler trop de ça. Beau mais à non, mon avis elle va vite partir hein, cette guitare. Mais je pense que surtout celui qui l'a acheté 27 000 va peut-être pouvoir la revendre encore plus cher, et voilà c'est exponentiel. Voilà pour cette petite histoire qui s'est déroulée à Cherbourg. Allez pour la suite, il y a Vianney qui arrive avec moi, aimez-toi, et tout de suite le jeune DJ prodige, c'est Kungs avec I Feel So Bad sur Cristal.

chez Renault Occasion. Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau, ce village. Enfin, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater, là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2016, conditions sur Renault.fr. Cristal Verneuil-sur-Avre, 106.3 et en HD sur maradiocristal.com. Tous les samedis, 10h midi, c'est le Top 30. Le classement de vos 30 titres préférés sur Cristal. Et le nouveau numéro 1 du classement cette semaine, c'est ça. Votez pour vos titres préférés sur maradiocristal.com. Le Top 30, c'est tous les samedis, 10h midi, sur Cristal. Un site internet devrait être rapide, sécurisé et facile à tenir à jour. Chez Infomaniac, créez un site web adapté au smartphone en quelques clics pour seulement 5,75€ par mois. Infomaniac, l'hébergeur web préféré des PME. Hé, hey, Laure, tu veux une info qui vaut de l'or, hein? Dis donc, Alex, toujours aussi lourd? Ah, ça pour du lourd, c'est du lourd. La bijouterie Audelor liquide tout avant travaux. Quoi? Répète? T'as bien entendu. Du 17 mai au 15 juillet, tout doit disparaître. Tu me charries, là. Les bijoux, bagues, colliers, médailles, boucles d'oreilles. Et les montres? Aussi. Jusqu'à moins 50% sur les grandes marques. Michel Herbelin, Seiko, Tissot, Swatch, Guess, Lotus. Liquidation totale, je te dis. Bijouterie Audelor Mabilet, 78 rue Thiers à Bernay. Liquidation selon arrêté municipal. Liquidation totale avant travaux chez Kimchos. Jusqu'à moins 50% sur les chaussures, la maroquinerie et le prêt-à-porter. Kimchos, galerie marchande Intermarché à Verneuil-sur-Avre. Liquidation totale avant travaux selon arrêté municipal du 18 mai au 1er juillet. Vivement que je sois papa, moi aussi. Hein? Et oui! À l'occasion de la fête des pères, Sport 2000 à Conche offre 8 euros de remise des 50 euros d'achat sur tout le rayon homme jusqu'au 18 juin. Papa sportif ou coquet, il y en a pour tous les goûts. 8 euros de remise des 50 euros d'achat sur tout le rayon homme, c'est uniquement chez Sport 2000 à Conche. Galerie Centre Commercial Intermarché. Sport 2000, ça match. Conditions en magasin. Bon, ça y est, je me lance. Quoi ? Je me lance ! Vous aussi, lancez-vous. Devenez propriétaire avec Maison Pierre à partir de 17 euros par jour. Oui, à partir de 17 euros par jour, même sans apport. Conditions auprès de votre agence Maison Pierre à Bernay, 4 boulevard du But, proche de la gare. Ah, bientôt les beaux jours. Oh, j'ai hâte. En attendant, bonjour l'aquaplanning avec la pluie. Va chez ton garagiste préféré. Mais j'ai pas de garagiste préféré. Moi, je vais dans un garage du réseau Cars. Proximité, qualité, sérieux. C'est un réseau présent en Normandie. Il fait les réparations de ta voiture, quelle que soit ta marque, avec la garantie constructeur préservée. Et en cas d'accident, c'est toi qui choisis ton réparateur et pas ton assureur. Cars. La référence multimarque. Le garage jumeau automobile à La Guéroulde, le garage Ubi à Orbeck. Cristal. 6 mois et 8 toi, blessez-moi. 6 mois et 8 toi. Cristal. You can't stop the tears from falling out. Cristal. La première hit radio en Normandie. Cristal, Inforadar. C'est vous qui nous informez en temps réel sur les conditions de circulation partout en Normandie. Et Jean-Luc nous a signalé des jumelles sur la départementale 613 à Guerville-Quétierville dans le sens Lisieux-Caen. Et attention, la vitesse est limitée à 90 km/h. Pour faire comme Jean-Luc, 02 32 23 53 96. Get toi un jour embarqué. T'es bien engourdi, empêtré, raide, bloqué. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su danser. Jamais tu es allé la tête renversée. C'était Ours sur Cristal. Des fois, c'est bizarre. Comment le mec, quand il a décidé de s'appeler Ours, il s'est regardé dans la glace, il fait tiens, bah, mon nom de scène, ce sera Ours. Une pilosité. Bah, ça doit être ça, 17h. Parce qu'il aime bien le miel. Ça fait déjà deux explications en moins de 30 secondes. Johnny Investigation. Alors lui, on lui demande pas ce qu'il aime. C'est François Poulet pour les infos. Bonsoir Aurélie, bonsoir Evan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, un braquage à une station essence à Saint-Étienne-du-Rouvray s'est produit hier dimanche, tandis qu'une nouvelle altercation a eu lieu au centre de détention de Val-de-Reuil. Et puis en fin de journal, on fera un tour du côté de la météo pour voir que le soleil sera encore présent demain mardi. Ce dimanche, vers 17h30, à la station Total de l'avenue des Canadiens à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, deux hommes vêtus de noir et les visages dissimulés ont braqué la caisse, menaçant la caissière avec un couteau. Les deux suspects ont dérobé une centaine d'euros avant de s'enfuir à pied. La brigade criminelle de la Sûreté départementale est chargée de l'enquête. Une violente altercation entre un détenu et un surveillant ce dimanche s'est produite peu après 17h, après un parloir au centre de détention de Val-de-Reuil. Les faits ont eu lieu au moment de la fouille. Le surveillant blessé a été pris en charge avec une côte fracturée, diverses contusions au visage et au coude. Notamment, il s'est vu prescrire 10 jours d'ITT. Les plongeurs des sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus ce dimanche en milieu d'après-midi pour sécuriser un homme qui avait entrepris de traverser la Seine à la nage à proximité des écluses de Saint-Pierre-la-Garenne entre Vernon et les Andelys. Les plongeurs secouristes n'ont eu d'autre choix que de l'accompagner à bord de leur embarcation afin de prévenir un éventuel drame. Les gendarmes ont attendu le quadragénaire à son arrivée sur la berge. 35 personnes se sont rassemblées devant les bureaux de la présidence de l'université de Caen pour soutenir deux étudiants convoqués devant un conseil de discipline ce lundi. Une convocation qui fait suite au mouvement de grève des étudiants de l'UFR STAPS des derniers mois. Il leur serait reproché d'avoir déplacé du mobilier et d'avoir tenté d'intimider des personnels de l'université. Et puis avis aux fans d'Escape Game, après Paris, Lyon et Lille, la franchise Team Break a inauguré son nouvel espace à Rouen, place Saint-Marc. Pour l'instant, seuls deux scénarios sont jouables, un troisième arrivera fin juin. Votre mission est de sortir en moins d'une heure d'une salle où vous êtes enfermé en résolvant tout un tas d'énigmes et en déchiffrant des codes. Dans le reste de l'actualité, la France veut aller plus vite dans la lutte contre le réchauffement climatique en dépit du retrait des États-Unis de l'accord de Paris qui pose un grave problème de financement. C'est ce qu'a affirmé ce lundi en Italie le ministre français de l'Environnement, Nicolas Hulot, en marge d'une réunion des ministres de l'Environnement du G7. Et puis un diamantaire parisien a été victime d'un vol par effraction entre samedi et ce lundi d'une valeur de 2 millions d'euros. Allez, on termine avec un point sur la météo. Et ce lundi soir, le soleil est toujours présent sur toute la Normandie. Et il le sera encore demain matin avec 18 degrés dès le début de matinée du côté d'Évreux, 19 pour Rouen et Caen. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, retour de la musique avec Aurélie et Evan. Très belle fin de journée sur Cristal. Merci François, tout à l'heure 18h pour les prochaines infos. Le clash. À vous de voter pour départager Evan et Aurélie. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais annoncer le titre d'Aurélie. Elle m'a confié cette mission. J'ai l'autorisation. Bien sûr, vas-y. Très bien. Aurélie a choisi aujourd'hui Queen avec Another One by the Best. Elle voulait juste pas, elle, prononcer le titre voilà, en anglais. Voilà, c'est pour ça. Oui, je t'ai tendu un traquenard, un piège. Oui. Je m'en suis plutôt pas mal sorti. Peux-tu dire à tout le monde le titre aussi, toi ? Vas-y. Là. Il l'a dit, Freddy. Oh non, c'est pas honnête. Another one bites the dust. C'est pas mal. Ami prof d'anglais, on a besoin de vous. Ouais, je me suis entraînée en antenne, mais j'y arrive absolument pas. C'est pour ça que j'ai proposé à Evan de donner le titre de mon choix ce soir. Pourquoi ? Alors pourquoi mais tout le monde est là, toute la Normandie est là et pendue à tes lèvres. Pourquoi ? En fait, cette musique, on la connaît pour plusieurs pubs. Alors d'abord, une en 2002, pour une pub pour un opérateur téléphonique. Est-ce que tu te souviens ou pas ? Mais alors, mais pas le moins du monde. Avec Mila Jovovich, qui était l'actrice de Resident Evil. Pas du tout ? Oh bah, je vais être honnête avec vous, moi, au-delà d'un an, je me souviens de rien. Et bah, pour cette année, tu connais un peu la pub pour laquelle il y a cette musique ? Non, mais j'ai pas la télé à la maison. Mais c'est une pub pour une voiture aussi. Bon, alors, laquelle ? Alors, je vais pas donner la marque. Oh, ah oui, c'est vrai, on peut pas donner de marque. On peut pas donner la marque, oh là là, Evan. Alors, mais surtout, je la propose ce soir pour la ligne de basse qui fait toute la musique dans ce titre, en fait, et la voix de Freddie Mercury, surtout. Bravo. En fait, tu m'as quasiment donné envie de pleurer sur cette argumentation. Il y a vraiment des séquences émotions de dingue dans ce métier. Qu'est-ce que j'ai choisi, puisque tu annonces mon titre ? Alors, tu as choisi Étienne Dao avec Weekend à Rome. Salut, c'est Étienne Dao. Attention, il va dire mon aquarium. Ah, il le dit maintenant, bah, dis-le maintenant. Ah bah voilà, fan de poisson. Étienne Dao, Weekend à Rome, les années 80. Et bah vous savez quoi, Étienne Dao, et ben moi, il me manque. Et je suis sûr que je suis pas le seul. Parce qu'on n'entend plus parler. Qu'est-ce qui devient, Étienne ? On ne sait pas. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de tubes dans les années 80, c'est dans les années 90. Il avait fait plusieurs duos également. Et aujourd'hui, et ben voilà, les textes d'Étienne Dao, la voix d'Étienne Dao qui est tout le temps en train de parler comme ça. Salut, c'est Étienne Dao. Et ben, ça, vraiment, ça manque. Et c'est parce que je voudrais réécouter de nouvelles compositions d'Étienne Dao que je vous propose au week-end à Rome. Mais rien à voir avec un week-end que j'ai passé à Rome. D'abord, j'y suis jamais allé. C'est pour vous dire. Alors, jamais été ? Non, jamais. Si tu peux m'inviter, je suis pas contre. Demande à Étienne Dao. Ok, salut, c'est Étienne Dao. Donc, si vous voulez vraiment plébisciter le fait d'un retour d'Étienne Dao sur la scène française, allez-y, votez pour moi. N'importe quoi, ça va pas le faire revenir sur la scène. Mais en tout cas, vous pouvez vous pouvez voter aussi pour Queen en allant sur le Facebook de Radio Cristal et vous commenter la publication Le Clash. Allez-y, il vous reste 6 minutes maintenant pour nous départager Queen d'un côté, Étienne Dao de l'autre. Je sais que pour l'instant, il y a une petite préférence pour Aurélie. Mais c'est pas grave, ça me vexe pas. We'll be right back. Can't you hear me now? Clean Bandit avec la voix de Zara Larsson, c'était Symphony. Le clash, à vous de voter pour départager Evan et Aurélie. Enfin maintenant vous votez plus parce qu'on les clôture les votes. Quel est le choix d'Aurélie aujourd'hui? Queen avec Another One Bites the Dust. Elle n'y arrivera pas. J'y arriverai jamais. Another One Bites the Dust. Moi j'ai choisi Etienne Dao avec Weekend à Rome. Je voudrais quoi? Je voudrais quoi? Bon, maintenant qu'il a coincé la bulle dans la bulle, est-ce que tu vas nous donner quelques petits votes sur le Facebook de Radio Cristal? Vous avez dû nous départager entre Queen et Etienne Dao. Oui, celui qui a retenu mon attention est celui d'Eléonore qui dit « Je pense qu'Evan va partir tout seul à Rome. Je vote Queen avec l'éternel Freddie Mercury. » On a aussi Valérie. « Coucou les petits loups, je vais voter pour Evan car c'est kitsch. » Ouais, ça, mon ça image, c'est ça? Merci. Merci Valérie, merci beaucoup. Tout à fait, tout à ton image. Je t'embrasse Valérie. Cindy, elle de quand vote. Bon bah Evan, tu auras au moins un vote. Je vote Etienne Dao pour te soutenir. En fait, j'ai l'impression que les gens votent pour toi juste pour te soutenir ce soir. Tristesse. Et on va finir avec celui de Lorraine pour Aurélie avec Queen pour un bon début de semaine. Gros poutou. Mais à vous deux. Je peux dire la vérité aux auditeurs parce que j'aime ça et j'aime bien quand on vous dise tout sur ce qui se passe dans les coulisses de l'émission. Mmh. Faut savoir que dès le départ, j'avais choisi Etienne Dao et en fait, c'est au début de l'émission, j'ai dit à Aurélie, oh non, je me suis trompé de titre, c'est pas celui-là que je voulais au début. En fait, je voulais Tomber pour la France. Ça aurait peut-être rien changé. Ah, je sais pas. Ce week-end à Rome est plus mou que Tomber pour la France. Mais l'essentiel est de saluer, car je pense qu'il faut saluer cette victoire honorable d'Aurélie qui pourra la mettre à son actif sur son tableau Excel. Voilà, à 91% ce soir en plus. La tôle. Ah oui, oh, la ah oui, ça fait mal. Mais c'est Queen qui le remporte. Queen, le grand gagnant, ce groupe mythique que vous allez pouvoir entendre maintenant avec un titre que va nous rappeler Aurélie car elle aime prononcer le titre. Non, du groupe. Je ne l'aime pas, mais j'y vais. Never one bite the dust. Il n'y arrivera jamais. Allez, c'est super dur. On vous laisse profiter de la ligne de basse. C'était Queen, le grand gagnant du Clash de ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire gagner dans quelques minutes, Evan? Vous allez pouvoir remporter 4 passes. Oui, vous avez bien entendu, 4 passes pour prendre la direction du parc Astérix. Vous allez pouvoir évidemment passer un excellent moment. Pour moi, à titre perso, c'est l'un de mes parcs préférés en France. Je le trouve génial aussi. Ah ouais, les attractions sont tellement variées, tellement différentes. Et puis si vous aimez les sensations fortes, évidemment, il y a de quoi faire, notamment avec le tonnerre de Zeus entièrement en bois, qui est à faire au moins une fois dans sa vie avec sa

C'est l'été, j'adore Odyssée avec Fly sur Cristal. Et il est Laure. Laure. Laure. D'accueillir Laure. Laure d'où ? Salut Laure. Bonjour. Alors toi, tu habites à Hénouville, à côté de Rouen, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Tu es assistante de direction, là tu rentres tout juste du travail, je suppose. Oui, tout à fait, tu supposes bien. Il est sympa le directeur, alors, puisque tu es assistante de direction ? Oui, oui, super sympa. On lui demande une augmentation maintenant ou pas ? Bah écoute, on peut essayer. Hein. Très bien, c'est quoi son prénom ? Laure. Non mais le tien, je sais, mais ton directeur à toi. Peut-être qu'il s'appelle Laure aussi. Le directeur, il s'appelle Sébastien, pardon. Sébastien, pardon. Je m'adresse à Sébastien, pardon. Sébastien, si jamais tu nous écoutes et que tu te reconnais, alors, comme c'est un directeur, je vous vois. Mon cher Sébastien, il faudrait envisager une forte augmentation pour Laure qui, je le crois, rien qu'à sa voix le mérite, tout simplement. Oui, c'est vrai. Sébastien, c'est très lumineuse. Sébastien, ouais. Nous comptons sur vous, pour vous et l'ensemble de votre carrière. Et peut-être que s'il t'augmente, tu pourras l'emmener avec toi au parc Astérix, puisque tu vas peut-être repartir avec tes 4 PAX. Tes PAX. Bah moi, je suis Astérix. Partout Tatis. Ça va aller, Aurélie. Et je suis désolée, Laure, mais elle est fatiguée, la petite. Hein. Elle est beaucoup plus jeune que nous, mais elle est très fatiguée. Ah, bah, ça arrive. Hein. Laure, nous allons jouer ensemble au Qui est-ce ? Cristal. Qui est-ce ? Aurélie va te rappeler le principe de ce jeu. Vous allez vous aussi jouer chez vous. On pense à une célébrité avec Evan ou à quelque chose de connu et tu as 2 minutes pour retrouver cette personne ou ce personnage à l'aide de questions. Il faut être très très malin. Ok ? Laure ? Oui. Ah, tu as compris. J'ai eu peur qu'elle soit perdue. C'est OK pour toi ? Non. Oui, c'est OK pour moi. Concentration, Laure. Top, c'est parti. Oui. Est-ce que c'est un homme ? J'ai déjà oublié qui c'était. Ah oui, oui, oui, c'est un homme. Un homme vivant ? Oui. Connu ? Oui. Homme politique ? Non. Acteur ? Non. Et attention, il a été acteur. Ah, c'est une partie très infime de sa carrière, mais il a été acteur. Français. Il a quel âge à peu près ? Ah, il a entre 50 et 60, je crois. 50 et 60. Est-ce qu'il... Donc il a été acteur. Alors qu'est-ce qu'il non mais, fait donc ? Alors attention, il ne faut pas que ça te mette sur la mauvaise voie. Je ne peux pas répondre non. C'est pas son métier. C'est pas son métier à la base. On ne le connaît pas pour ça, en fait. Est-ce qu'il est journaliste ? Non. Mais il a animé des émissions de débat. Les émissions de débat. Sans le faire exprès, je t'ai donné un méga indice, là. Alors là, je vois pas. Continue à poser des questions. Je te jure que tu le connais. Je suis même sûr que tu l'adores. Il a animé des débats. C'est pas. Il y a longtemps, hein. Il y a longtemps. Et là, on le voit toujours ? À la télé, oui. Oui, on le voit aujourd'hui, tout le temps, en ce moment. Tout le temps, en ce moment ? Ouais. C'est pas Pujadas ? Non. Non, il est parti, lui. Ah bah oui, du coup, oui. C'est vrai. Mais pourquoi tu me poses pas la question de la chaîne ? Oui, il est sur quelle chaîne ? TF1. Attention, il reste 40 secondes. Hein. Sur TF1. Laure, pose des questions, il reste 30 secondes. Attention, un t'es pas loin. Il passe à quel horaire ? 19h. 19h. The Wall. C'est pas son nom, mais il y est presque. 20 secondes. Pauline qui anime The Wall. 16. 15. Tu l'as, tu l'as. 14. Gabin. 13. Gabin. Non. Non. Oh, non. 8. 9. 8. The Wall. 7. 6. Chavannes. 5. Oui. Eh, hey, faut pas me faire ça, moi je suis vieux, hein. Oh là. Oh là là là là. On a eu peur là, sur les 30 dernières secondes. Tu avais le nom d'émission, mais pas le nom de l'animateur. Oh, je le voyais. Oh là là, bon. Sur le compteur, il restait 4 secondes, Laure. Oh là 4 là, secondes. Effectivement, c'est Christophe de Chavannes. Je l'ai choisi parce qu'il va faire une émission spéciale sur M6 à l'état sauvage, où justement il va être envoyé dans le Venezuela avec un explorateur et on va le voir vraiment à l'état sauvage. Ce sera ce soir à 21h. C'est mon coup de cœur télé. Et c'est pour ça qu'on a choisi avec Aurélie Christophe de Chavannes qui anime The Wall à 19h avec un succès d'audience. Certain. En attendant, tu vas pouvoir faire un bel apéro ce soir avec toute ta petite famille pour fêter ces 4 passes pour le jour, pour le parc Astérix. Bravo Laure! Merci beaucoup. Ah ben, bravo à toi quand même. Et on a peiné sur la fin. Hein. On t'a un peu aidé quand même aussi. Oui. Je l'avoue, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et ben, profite bien. Je te fais un énorme bisou. Je t'embrasse très fort. Bisous Laure. Bravo pour ces 4 passes pour le parc Astérix. Et vous, vous pourrez les gagner demain entre 16h et 20h de nouveau en nous écoutant. En attendant, voici Feder avec Back for More sur Cristal.

Cristal à Bernay, 101.7 et en HD sur maradiocristal.com. Ma voiture, c'est le garage Beaufort à Jean Ford et la carrosserie 5 Star qui l'entretiennent. Ils sont ouverts du lundi au samedi midi pour les réparations toutes marques. Il faut aussi le dépannage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Garage Beaufort à Jean Ford et carrosserie 5 Star, rue Aristide Briand à Verneuil-sur-Avre. Durant tout l'été, profitez jusqu'à 20 euros d'économie sur la clim. Bonnes vacances avec votre garage Ford. Réservé avec Jean-François Fournier à Calville. Avec ou sans traiteur, Jean-François vous propose une salle de réception qui pourra accueillir jusqu'à 70 personnes. Possibilité d'hébergement jusqu'à 25 couchages pour votre prochaine fête ou vin d'honneur. Location Agite à Calville, à 5 minutes de Brionne. Renseignements et réservations auprès de Calville Traiteur. Jean-François Fournier, 06 75 48 94 37. Ou par mail, jeanfrancoisfournier@orange.fr. La chronique santé de l'assurance maladie de Normandie. Cette semaine, nous retrouvons Marie, agent d'accueil à la CPAM. Alors Marie, il est maintenant possible de créer instantanément son compte Amélie sur le web ou sur l'appli ? Oui, plus besoin d'attendre un code provisoire envoyé par courrier, vous créez immédiatement en ligne votre espace personnel. Quels sont les avantages du compte ? Vous pouvez consulter vos derniers remboursements, télécharger une attestation de droit ou une carte européenne d'assurance maladie. Vous pouvez même commander votre carte vitale en quelques clics. Merci Marie. C'était la chronique santé de l'assurance maladie de Normandie. Parce que nous misons sur la sécurité et le confort de votre conduite, chez Peugeot, nous sélectionnons nos pneumatiques chez des manufacturiers de renommée. Du 15 au 21 juin, Peugeot Bernay, midi auto 27, route de Broglie, en fait encore plus. Moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Portes ouvertes de votre Peugeot Rapide le samedi 17 juin. Pour tes études, choisis l'alternance. Le réseau des Grétins, c'est 90% de réussite aux examens, 63 sites pour te former et plus de 900 contrats de professionnalisation du CAP au Bac plus 5 dans 15 secteurs. Gestion administration, commerce, optique, hôtellerie restauration, industrie. Plus d'infos au Greta Heure et sur greta.ac-rouen.fr. Moi, je préfère les jeunes. Ça vous donne des frissons, ça vous donne envie d'aller de l'avant, de partir à l'aventure. Une Cougar, moi ? Ah mais non, j'aime juste les véhicules récents, comme ceux qui m'attendent chez Citroën Felix Forlimay. Eh oui, Citroën Felix Forlimay, c'est un stock de véhicules récents, faiblement kilométrés, à prix direct au constructeur, avec la garantie Citroën Select de 1 an minimum. Rendez-vous chez Citroën Felix For, 226 route de la Noue à Limay, et sur citroenselect.fr/Felix For. Portes ouvertes, samedi 17 et dimanche 18 juin. Cristal. Cristal, la première hit radio en Normandie. C'est l'heure de faire un point sur vos conditions de circulation partout en Normandie. Et c'est Aurélie qui a regardé ça pour vous. C'est globalement calme sur les routes normandes ce soir. À Caen, c'est la routine. Vous avez du mal à accéder au périphérique par la 13. Ensuite, le trafic redevient fluide. Ce soir, juste quelques ralentissements sur la chaussée intérieure entre Vallée des Jardins et Porte d'Angleterre. Mais sur le reste des routes cannaises, c'est fluide. Profitez-en. Accident en sortant de la Sud-3 en direction de Rouen. Juste quelques ralentissements engendrés. Mais ça reste dégagé sur la suite 3 ce soir. Et c'est sur les quais de la décimile 15 que c'est rouge en direction de la nationale 28. Et attention sur la 150 entre Canteleu et Déville-les-Rouen, c'est rouge. Vous commencez à bien rouler au pas, c'est fortement ralenti, donc direction Barentin. Mais sur la 13, si vous êtes du côté de Paris en direction de la Normandie, rien à vous signaler, ça roule très bien. Le numéro de la ligne inforoute, c'est le 02 32 23 53 96. I surrender, shackled by your love, holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love, it was almost love, it was almost love. When I heard,

prévisions météo pour demain, mardi, arrive dans un instant sur Cristal et puis Charlie Pousse pour tous vos hits, entre autres avec Attention. Il est 18h01. La première hit radio en Normandie. Cristal. Et tout de suite, on fait un point sur l'actualité avec François Poulet. Bonsoir François. Bonsoir Aurélie, bonsoir Evan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, retour sur l'élection législative et le premier tour qui a lieu ce dimanche et un net avantage pour La République En Marche en Normandie. Et puis l'automobiliste a été placé en cellule de dégrisement cette nuit après avoir roulé à contresens sur la Sud 3. Et puis juste après ce journal, on fera un point sur la météo pour voir que le soleil sera encore de la partie demain mardi. Les grands gagnants incontestables du premier tour des législatives de ce dimanche sont les candidats à La République En Marche, pour beaucoup novices en politique. Les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron sont arrivés en tête dans 24 des 28 circonscriptions de notre région Normandie. Certains sont même arrivés très largement vainqueurs, comme Damien Adam sur la première circonscription de Seine-Maritime, qui devance la députée socialiste sortante Valérie Fourneyron de 17 points. Une automobiliste a été placée en cellule de dégrisement dans la nuit de ce dimanche à lundi à Rouen. Après une dispute avec son mari, elle s'est retrouvée à contresens sur la Sud 3 à Grand-Queville. Un témoin a fait appel à la police vers 1h du matin, car une voiture roulait donc à contresens. Interpellée, a été ramenée à l'hôtel de police et soumise au dépistage d'alcoolémie. Elle était ivre avec un taux de 1,78 g dans le sang. 35 personnes se sont rassemblées devant les bureaux de la présidence de l'université de Caen pour soutenir deux étudiants convoqués devant un conseil de discipline ce lundi. Il leur serait reproché d'avoir déplacé du mobilier et d'avoir tenté d'intimider des personnels de l'université. En sport et en rugby, ils l'ont fait. Dimanche dernier à Oyonnax dans l'Ain, les rugbyman du stade Rouennais ont remporté le trophée Jean Prat face à Mâcon en finale de Fédéral 1. Score final 29 à 15, il s'agit du tout premier titre dans l'histoire du club rouennais. Une fierté pour Grégory Bouly, l'assistant coach du stade, que de ramener le titre en Normandie. On l'écoute. On crée une histoire. Le rugby à Rouen, ça a bientôt 100 ans. On n'a jamais eu la chance de ramener un trophée à Rouen. D'un niveau comme ça, national. Et là, on a pu toucher du doigt toute la famille du rugby rouennais à l'autre bout de la France. J'ai vu toutes les générations confondues, jusqu'à des anciens joueurs de 80 ans qui téléphonaient pour prendre des nouvelles. Il était au micro d'Alexandre Sanson. La saison prochaine, les Rouennais évolueront en poule élite avec pour objectif d'accéder à la Pro D2. Dans le reste de l'actualité, une fillette de 3 ans, victime de coups et de brûlures à Dole dans le Jura, a été hospitalisée et se trouvait entre la vie et la mort. Sa mère et son compagnon ont été placés en détention. Et puis retour au sport et au football cette fois. La France et l'Angleterre s'affrontent en match amical ce mardi au Stade de France. Après les attentats de Londres et Manchester, la rencontre aura forcément une résonance extrasportive. A noter que des hommages seront rendus lors de ce match, à laquelle assisteront sûrement Emmanuel Macron et Theresa May. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, on fait un petit point sur la météo avant le retour des hits sur Cristal. Très belle soirée. Météo avec Cuisinella Menval. Offrez-vous une Cuisinella digne d'un grand chef. Bien pensé, à prix accessible. Cuisinella à Menval, face au Leclerc. Cuisinella. À l'écoute de vos envies. Météo pour demain mardi, Aurélie. Grand soleil pour tout le monde pour la journée de demain, comme ça, pas de jaloux. Côté température, c'est pas encore la canicule, mais la journée devrait être agréable avec 24 degrés aux Andelys, 23 degrés à Bois-Guillaume et 21 degrés du côté de Cabourg. J'ai regardé un petit peu la météo à 7 jours. A priori, on va vraiment avoir une très très belle semaine encore. Allô, notre artiste Canet va arriver dans quelques instants avec I Believe et écoutez ce qu'on aura à vous offrir dans le 16-20 dans moins d'un quart d'heure. On va vous offrir vos places pour les concerts de The Voice à Caen et à Rouen. Donc c'est à gagner cette semaine et surtout ce soir dans quelques minutes. Donc ils passeront le vendredi 30 juin au Zénith de Rouen et le samedi 1er juillet donc au Zénith de Caen. Vous allez pouvoir voir par exemple Johan Lonnais, c'est un ancien talent de l'équipe de Zazie, c'est lui qui animera le show. Eh bien c'est à gagner dans moins de 15 minutes. Soyez là, vous jouerez avec nous par SMS et pour démarrer cette nouvelle heure de hit sur Cristal, numéro 1 sur les hits, voici Charlie Pousse avec Attention. On adore ce morceau. You've been run around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. vraiment été volé. Silence est bien noir. Et pourquoi ne m'as-tu pas envoyé des lettres? J'ai pourtant bien attendu le facteur à la fenêtre. Essayez de nous aimer. Oh,

Merci de m'avoir tenu à l'écart pendant la moitié du dîner mythique. Et merci de m'avoir fait rougir devant Marie. Elle a trouvé ça trop mignon. Merci, timidité. Rencontrez-vous au dîner mythique en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique. Cristal Mantes-la-Jolie, 101.7 et en HD sur maradiocristal.com. Ceci est un message pour les visiteurs du Futuroscope. Après avoir plané dans la nouvelle attraction L'Extraordinaire Voyage, les visiteurs n'ont plus envie de redescendre sur Terre. La tête dans les étoiles, ils assistent au spectacle du Cirque du Soleil. En oublieront-ils de faire les 25 autres attractions ? Futuroscope, vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Toute l'année, le séjour 2 jours 1 nuit est à partir de 47 € par jour et par personne, spectacle nocturne inclus. Futuroscope. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. Chez Sinclair Auto 27, concessionnaire Kia à Évreux-Netreville, nous garantissons tous nos modèles 7 ans. Et en ce moment, grand déstockage de printemps. Venez découvrir de nombreux modèles en stock, disponibles immédiatement. Kia Rio, Ceed, Picanto, Sportage. En plus, nous reprenons votre ancien véhicule à la cote Argus plus 5 000 €. À vous de jouer. Rendez-vous chez Sinclair Auto 27, rue Émile Delahaye, sur la zone de la Rouge-Mare à Évreux-Netreville. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Info sur kia27.com. Voir conditions. Portes ouvertes ce week-end. Piscine Xina. Bienvenue dans votre magasin Xina de Mantes-la-Jolie. De nombreux avantages vous attendent chez Xina. Un accueil convivial, des conseillers à l'écoute de vos besoins, un large choix de cuisine contemporaine et fonctionnelle, des produits de très grande qualité. Chez Xina Mantes-la-Jolie, vous profiterez aussi d'un accompagnement personnalisé pour votre projet. Quoi de mieux pour réaliser une cuisine qui vous ressemble ? Dans Xina, tout va. Xina Mantes-la-Jolie, centre commercial Buchelet, zone des Closos. Xina. Alors, tu fais quoi ce week-end ? Avec Marc, on s'offre un week-end prolongé chez Reflex Caseo. Du 9 au 12 juin, ce sont les Caseo Folies. Moins 25% sur les fenêtres et volets, moins 20% sur les portes de garage et portails, moins 25% sur les stores et pergolas, moins 30% sur les cuisines et moins 40% sur les placards et dressing. En plus, en faisant poser nos fenêtres par un expert Caseo, nous allons profiter d'un crédit d'impôt de 30%. Reflex Caseo, vos experts en menuiserie, cuisine et véranda à Bernay-Courbépine, rond-point Zédy-les-Granges. Ouvert dimanche 11. Conditions magasin. Message Peugeot en forme de coup de foudre. C'est une Peugeot 308. Elle est là pour vous. Élégante et sportive avec ses jantes 17 pouces. Vous tombez sous le charme de son toit vitré panoramique, de son large écran tactile et de sa caméra de recul. Elle est irrésistible. Pendant les irrésistibles Peugeot, pour l'achat d'une 308, profitez d'une offre spéciale. Reprise de votre voiture 4 000 € en plus de l'Argus. Portes ouvertes ce week-end. Offre valable jusqu'au 30 juin, détails sur PeugeotWebstore.com. Vos concessionnaires Peugeot Vauban à Buchelet et au Mureau. Cristal. 6 mois et 8 toi, blessé moi. 6 mois et 8 toi. Tears from falling out. Cristal, la première hit radio en Normandie. Waiting for the day they

Mika à l'instant sur Cristal. Belle transition pour ce qui nous attend, Aurélie. Et oui, The Voice. The Voice avec évidemment Mika qui, pour moi, est l'un des membres du jury de Voice le plus, le plus charismatique. Voilà, c'est vrai. Et qui a beaucoup de talent et que je trouve adorable. Et vous allez pouvoir remporter toute cette semaine vos places pour aller assister au grand show The Voice qui va se passer du côté de Rouen. Ce sera le vendredi 30 juin. Et le samedi 1er juillet, ça sera au Zénith de Caen. On est partenaire de ces concerts. On vous offre donc vos places. Et pour jouer avec nous, on a Cindy. Coucou Cindy. Salut. Salut Cindy. Bienvenue à toi. Alors Salut. Cindy, toi tu es responsable de magasin de vêtements, ce qui fait que le lundi généralement t'es en repos. Voilà, c'est ça. Voilà, tu vends des vêtements pour toute la famille, pour les enfants, les parents. Toute la famille, femme et enfants, il y en a pour tout le monde. Où ça? Lisieux. À Lisieux, d'accord. On n'a pas le droit de faire de pub, mais j'aimerais tellement trouver la marque. J'en ai plein qui me viennent en tête. Je suis sûr que j'y vais de temps en temps dans ce genre de magasin. C'est un magasin qui est une franchise. Ouais, c'est une franchise, ouais. Est-ce que ça commence par un K? Non. Ah, je me suis trompé. Donne-moi la première lettre. H. N. N. Enfin, N. Ça va pas être ça qu'il a trouvé. Ah, mince. N. Non. Je connais un magasin de cosmétiques qui commence par N. Mais un magasin de vêtements qui commence par N. Bon, on trouve, on gagne quoi. Ouais, voilà. Si jamais on trouve, c'est nous qui gagnons les places pour aller voir The Voice. On va jouer ensemble, Cindy, pour essayer de te faire regagner tes places. Et on va jouer à menteur-menteur. J'ai du mal à parler, moi, aujourd'hui. Cristal. Menteur-menteur. Aurélie rappelle le principe du menteur-menteur. Alors Cindy, on va affirmer chacun, Ivan et moi, une affirmation. Donc une information, il y en a une qui est fausse. Il faut trouver juste le menteur dans cette histoire. Est-ce que tu as bien compris? Ok, ça roule. Ouais, demande si t'as bien compris parce que même nous, des fois, on comprend pas. C'est vrai. Pour te dire. On a le cerveau lent. Oh là là, c'est... Oh, beau jeu de mots. Quel festival de blagues, Calembour. Bienvenue sur Calembour FM, il est 18h37. Nous allons jouer maintenant, voici l'affirmation d'Aurélie. Cindy, j'affirme qu'un homme a été interpellé par la police alors qu'il broutait de l'herbe nue dans une rue de Reims. Bien entendu, de ce mon côté. Pas toi. Moi, je l'ai fait, mais il y a quelques années. Cindy, j'affirme de mon côté que Raphaël Nadal, qui a gagné son 10e Roland-Garros hier avec une grosse somme d'argent à la clé, plus d'1 million d'euros, eh bien, il a refusé de toucher ce gain cette année pour ne pas passer dans une tranche supérieure d'imposition. En clair, il a déjà trop gagné en 2017. Cindy, pour toi, qui est le menteur-menteur? Est-ce que déjà, tu hésites un petit peu, il y a une info sur laquelle tu irais plus? J'irai Aurélie. Que je mentirais, moi? Oui. Tu sais qu'il y a des fous partout. Je veux pas te mettre le doute. Oh, puis l'argent, ça se refuse pas. Il est difficile ce jeu. Hein. Il est difficile. Je sais parce que des fois on se dit c'est pas possible. Les deux pourraient être inventés. Non, il y en a une qui est vraie, il y en a une qui est fausse. Donc tu penses que moi j'ai la plus fausse, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu restes sur cette idée? C'est ton dernier mot. Je valide. Tu valides. Aurélie, est-ce que l'information que tu as donnée est un mensonge? Et non, c'est une pauvre vérité. Ça existe vraiment, des personnes qui broutent de l'herbe nue dans les rues de Reims, apparemment. Il y a un homme qui a été interpellé, qui était à quatre pattes dans une rue paisible de Reims. Donc, il broutait de l'herbe. Et puis, bien sûr, il y a la police qui est arrivée. Il était en train de digérer son 4 heures. Normal, il broutait. Bon, c'est pas très drôle puisqu'il a été, interpellé. Il a échappé aux poursuites et pour cause, il est déclaré irresponsable pénalement. Il a été interné dans un établissement psychiatrique. Et ça montre un truc quand même, que la réincarnation existe. Avant, ça devait être une vache. D'où peut-être. Bon, Cindy, tu repars pas les mains vides. On va t'offrir un mug collector Cristal qu'on va t'envoyer à Lisieux. Et puis tu rejoues évidemment avec nous quand tu veux, d'accord? Ça marche, merci beaucoup. Tu raccroches pas. Bisous, gros bisous, Cindy. Qu'est-ce qu'on fait? Green Day, tiens, dans un instant pour la suite de Voyette. Et on rejoue demain. Il y en aura toute cette semaine à gagner des places pour aller voir The Voice aux Zénith de Caen ou de Rouen. Here we go again. Yeah. Cristal. Écoutez, c'est un nouveau hit. Odyssée, fly. Sunrise is coming. come and fly with me. Oh baby, can't you see how much this means to me? Through the night, through the sky, make me smile, make me cry. Let's leave this gravity. Just come and fly with me. Pas. C'est moi la batterie. Green Day sur Cristal. Dans un instant, on va faire le point complet sur vos conditions de circulation partout en Normandie. Aurélie va regarder pour vous. Il y aura Enrique Iglesias pour la suite de vos hits. Et puis, si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à nous joindre à tout moment concernant ce que vous pouvez voir sur la route, un accident, un bouchon ou quoi que ce soit d'autre. Vous faites partager. Une pizza roulante. Ça arrive. 02 32 23 53 96. Alors, la question du jour, elle est maintenant sur Cristal, celle qui vous permet de participer à notre sondage normand quotidien avec le coup d'envoi du bac général cette semaine. Et là, on vous pose la question, bon ou mauvais souvenir pour vous? Alors, vous avez deux possibilités de réponse, même plusieurs, hein, on va en faire trois. Tiens, réponse A. Avec le recul, bon, c'est une sorte de rite de passage à l'âge adulte. Réponse B, mauvais souvenir du stress et des sueurs froides. Réponse C, je ne l'ai pas passé, mais j'aurais bien aimé. Aurélie. Alors toi, je connais déjà ta réponse. Oui. C'est je ne l'ai pas passé, point. Je ne le passerai jamais. Voilà. Et toi? Moi, réponse B, c'est sueurs froides, gros stress. J'ai détesté cette période. Déjà, j'ai détesté le lycée. C'est bizarre hein. que tu l'aies eu déjà. Merci, j'ai eu un BTS aussi, un autre diplôme après. Tu sais qu'il y en a qui font des études, Evan. Non, mais on voit pas comme ça quand on... Je vous assure, si un jour vous rencontrez Aurélie, quand vous allez la regarder, c'est pas possible qu'elle ait fait des études, des bac plus 2, etc. Elle ait travaillé et tout, enfin voilà. C'est tellement bizarre, c'est cette jeune femme. Non, mais en fait, moi j'ai eu mon bac au rattrapage. Donc c'était vraiment l'horreur. J'avais tous mes potes qui partaient en fiesta le week-end où on a eu les résultats. Et puis bah, moi qui révisais avec mes parents qui arrêtaient pas de me gronder dessus. Donc c'était vraiment horrible. Et je l'ai eu grâce au droit. C'est fou. Quoi qu'il arrive, les épreuves, c'est toujours difficile. À vous de donner votre avis. Votre opinion, vous allez sur le Facebook de Radio Cristal. Vous avez jusqu'à demain 5h pour voter. Résultat demain matin à 6h15 et 8h15 avec Nico et Alicia. Si je vous dis ça, c'est que si vous avez une insomnie genre vers 3h30 du matin, hop, vous avez envie de parler, de répondre. Vous prenez votre clavier. Vous allez donner votre... Oh, je crois que j'ai fait une connerie. Ah oui, là, t'as fait une grosse bêtise. Alors, comment on va faire maintenant? Je ne sais pas. Alors, vous voulez que je vous explique ce qui s'est passé? Alors, on va expliquer quand même ce qui s'est passé. Alors, parce qu'il faut en fait, partager avec vous. Le problème, c'est que Evan, il a tapé fort sur un clavier. Vous ne fallait absolument pas taper. Mais non, c'est bon, tout est revenu dans l'heure. Oh là là. On a eu tous les écrans informatiques qui se sont mis au rouge. Quelle horreur. Bon, tout va bien, tout va mieux. Vous allez voir sur le Facebook de Cristal pour voter à la question du jour. On a des sueurs froides ici. 30 secondes chrono. 30 secondes chrono. 30 secondes pour répondre à un maximum de questions et faire le plein de cadeaux. Et cette semaine, gagnez une semaine de vacances pour 4 dans l'un des 81 villages VVF. Il y a 81 VVF villages partout en France et vous partirez à 4 avec vos enfants et en pension complète. Au village, il y a des piscines, des activités, des clubs enfants pour les tout-petits jusqu'aux ados et des animations. Allez découvrir la vie de village sur vvf-village.fr. 30 secondes chrono, c'est tous les jours sur Cristal. Et si faire installer la fibre 100% fibre changeait tout à la maison? Depuis qu'il a fait installer la fibre Orange, je trouve mon père beaucoup plus drôle. Moi, depuis qu'il nous a apporté la fibre Orange, j'adore quand mon père me montre ses photos de moto. Et moi, avec la fibre Orange, mes enfants me trouvent encore plus cool. Avec Livebox and Fibre, devenir le héros de la famille ne coûte que 19,99€ au lieu de 38,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Livebox en location plus 3€ par mois. Prix avec remise de 14€ par mois et remboursement de 5€ par mois en changeant d'opérateur. Valable jusqu'au 5 juillet 2017 en métropole sous réserve d'éligibilité. Conditions sur orange.fr. Je pensais à quelque chose. Ah ouais, c'est quoi? Si c'est les jours, c'est maintenant chez Citroën. C'est maintenant, c'est pas après. Du coup, maintenant, c'est déjà passé. Mais on peut pas passer à côté de 5 000€ de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C4, équipé d'un toit vitré panoramique. C'est pour ça qu'il faut y aller maintenant et pas après. Tu es dépassé. Pendant les jours, c'est maintenant chez Citroën, bénéficiez de 5 000€ de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C4. C'est maintenant, c'est pas après. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Équipement selon version, offre valable jusqu'au 30 juin. Détails sur citroën.fr. Lidl, enseigne alimentaire préférée des Français. Allô patron, c'est cuit, c'est ça? Bah pour nous c'est cuit et recuit, oui. Mais ici c'est rôti. En ce moment, le rôti filet de porc est à 5,99€ le kilo au lieu de 7,29€. 5,99€ le kilo de rôti de porc, moins 17% sur le pourceau. Ah bah 2€ de réduction, oui. Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pièce d'environ 750 grammes, porc origine France ou né élevé en France et transformé en Belgique. Offre valable jusqu'au mardi 20 juin. Pour votre santé, bougez plus. Coincé dans les embouteillages? Vous êtes surtout coincé dans un job qui ne vous convient pas. Monster ne tolère pas que votre talent reste au point mort. Alors, Monster cherche et cherchera jusqu'à ce que vous trouviez l'emploi que vous méritez. Des emplois, des conseils, de la puissance. Monster.fr, téléchargez l'application. Des cours de piano, ça peut être utile pour l'avenir de votre fille. Mais pour payer ses études, Chopin sera-t-il aussi utile que vous ? Comptez plutôt sur les solutions d'assurance vie proposées par la Caisse d'épargne. Un placement idéal pour des projets à long terme, comme financer les études de vos enfants. Très utile si... votre fille met un certain temps avant d'entrer au conservatoire. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Contrat distribué par votre Caisse d'épargne intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Renseignez-vous en agence. Entretien auto? Euro Répare, Car Service, la confiance, ça s'entretient. Pour

Juste avant les infos de 19h, en compagnie de François Poulet, un point sur vos conditions de circulation partout en Normandie. Aurélie. Deux accidents étaient signalés à Rouen, un premier à la sortie de la Sud 3 en direction de Rouen et un autre sur la rue d'Amiens. Restez vigilants. Et pour le reste des routes rouennaises, rien à vous signaler. Pareil pour Caen, pas un bouchon en vue. Et on continue sur les bonnes nouvelles avec une adresse totalement fluide ce soir. C'est des bonnes nouvelles pour tout le monde, ça. 02 32 23 53 96, c'est le numéro de la ligne inforoute de Cristal. Hi, this is Ricky Iglesias. Salut. La première hit radio en Normandie. Souvenez la radio. Search by the fire at night. Silk sheets and diamonds.

au poivre. C'est pas faux. En début d'émission, nous vous avons dit, pour ceux qui étaient là, on va vous gâter cette semaine entre 16h et 20h. Et on vous le prouve, chaque heure, des nouveaux cadeaux. Et dans moins d'un quart d'heure, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner? Là, c'est Aurélie qui va tout vous révéler, tout nous révéler, tout. Bah, en fait, je vais tout vous révéler parce que tout simplement, je tout suis jalouse. On va vous offrir... oh là là, passé 19h, il est intenable. J'avais envie de chanter du Lara Fabian. Tout est venu entre nous. Ouais, c'est Jean-Michel à peu près. Donc à tous les festivaliers nord-romands, on va vous offrir vos passes 3 jours pour vous et la personne de votre choix. Attention pour le festival donc de Green Horse Festival qui est à Mocanchi près de Rouen, 30 minutes à peu près, avec sur scène, tenez-vous bien, du Mat Mata, ça je sais que les Mat Mata ils adorent, Vianney, De Palmas, Claudio Capeo, Black M, Boulevard Désert, Martin Garrix, Feder, Imani, Julian Peretta, énorme. Enfin bref, une énorme affiche, belle. Rien que pour la Normandie. Très belle affiche. Donc, dans un instant, vous l'avez bien entendu, vos passes valables les 3 jours du festival. C'était gagné uniquement sur Freestyle. En plus des hits, on vous gâte. Et côté hits, Calogero arrive le tout dernier, juste après Katy Perry sur Freestyle. I'm not afraid to die.

The more I drink, the more I think about you. On à l'instant sur Cristal. On vous a tout à l'heure offert vos places pour le Green Horse Festival à gagner toute cette semaine en écoutant Cristal dans le 16-20. Rappelons Aurélie quels sont les artistes qui seront présents sur ce festival les 7, 8 et 9 juillet prochains. Oh, des tout petits artistes, oui. Comme par exemple Boulevard Désert, Julian Peretta, Matt Mata, Feder, Imani, Black M, Claudio Capéo, De Palmas et j'en passe. Bravo à Thomas de Caen qui est reparti avec ses passes valables les 3 jours du festival et tous les après-midi avec nous. Vous pourrez donc repartir avec ses passes en écoutant le 16-20. Pour la suite de vos hits, dans un instant, Julien Doré avec Chou Wasabi. J'aime bien le titre de ce morceau. En attendant, c'est Rag & Bone Man avec Skin, ce Cristal. Belle soirée à vous. Seconds from my heart, put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this. It was almost love. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I

stuck behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you see. Welcome to the final show. I hope you will.